Aha. Yeah. Ha, ha. Vous êtes là ou quoi? Ok, tout le monde la main en l'air. Ça fait ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tout le monde, hey, avec moi. Hey, hey. Quand je dis c'est chaud, boutique, ouais. C'est chaud, ouais. C'est chaud, ouais. Quand je dis c'est chaud, boutique, ouais. C'est chaud, ouais. C'est chaud, ouais. Ok, faites du bruit pour les spécialistes maintenant. De part, princesse Agnès.